Diego Ça Bouge, magazine d'actualité culturelle en français à Diego et au nord de Madagascar. Diffusion à Diego à la radio Jupiter 90 FM. Samedi 14h à 15h. Atana RFM, Radio France Madagascar 102 FM. Animation Zoul. Page Facebook Diego Ça Bouge. Bienvenue à tous dans ce quatrième numéro de votre émission culturelle enregistrée depuis Diego Suarez à l'extrême nord de Madagascar. Comme chaque fois, nous vous invitons à découvrir les richesses de la région à travers des portraits, des reportages, des interviews avec tous ceux qui font bouger Diego, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs, malagas ou étrangers, résidents ou de passage. Avant de vous livrer le sommaire de l'émission, remercions chaleureusement Radio France Madagascar qui coproduit l'émission et qui nous a tout de suite fait confiance. Diego Ça Bouge est diffusé à Tana sur 102 FM par Radio France Madagascar. Merci également à Radio Jupiter 90 FM qui diffuse l'émission chaque samedi de 14h à 15h sur Diego. On commence l'émission en douceur avec ce titre inédit de Michael Siatotr, un des pionniers du Saleg qui nous revient avec un nouvel album enregistré auprès de la nouvelle génération. Dans ce morceau intitulé tout simplement Diego Suarez, il rend hommage à la ville qui a marqué sa jeunesse, une ville magique sur tous les plans. Vous nous rejoignez, vous êtes à l'écoute de votre émission culturelle Diego Ça Bouge sur Radio France Madagascar à Tana et Radio Jupiter à Diego. Nous venons d'écouter Diego Suarez, un morceau de l'artiste Michael Siatotr qui termine en ce moment un nouvel album. Au sommaire de ce quatrième numéro, nous vous proposons de commencer par la découverte d'un nouveau cinéma malagas, produit et réalisé à Diego. Nous avons participé pour vous à la soirée de lancement en avant-première du film Dalila, produit par Walspod. C'était en mai dernier à l'Alliance Française d'Antsiranana. Ensuite, nous nous lançons ensemble à la découverte d'une magnifique cascade très peu connue, bien que située à quelques kilomètres des Tsing Rouge et de la commune de Sadjovat. Retour ensuite à Diego pour une rencontre avec un dessinateur originaire d'Antsiranana. Il s'appelle Moseration et nous avons profité de son passage dans la région pour lui poser quelques questions. Nous ferons ensuite un détour par Ramen avec l'artiste diégolais Primundiai. Nous irons ensuite au Jardin Tropical pour assister au concert très original de Holy Zion, un groupe venu tout droit de Majenga qui nous a proposé une soirée groovy absolument inattendue. Soleil depuis Radio France Madagascar nous propose ce mois-ci une rencontre avec Jean-Daniel Chaoui, conseiller consulaire des Français de l'étranger, élu à Madagascar, qui nous parlera des bourses scolaires proposées aux familles françaises qui vivent ici. On terminera l'émission avec Olivia de l'Alliance Française d'Antsiranana qui nous présente un programme très riche en concerts pendant tout le mois de juin à l'occasion de la fête de la musique célébrée chaque année le 21 juin. En toute fin d'émission, nous écouterons un morceau inédit de l'artiste Dodol de Tana qui souhaite un grand succès au Baréa. Nous vous souhaitons une bonne émission et l'on se rend tout de suite à l'Alliance Française pour l'avant-première du film Gas Dalila. Je suis Geraldo, chef producteur de Wals Productions, réalisateur, producteur. Bon alors, le stress, ça commence à monter ? Oui, ça commence à monter. C'est quoi la raison de notre présence ce soir ? Oui, notre présence, c'est pour la présentation de l'avant-première de notre nouveau film, Dalila. C'est une histoire d'une jeune fille qui est victime d'un viol. Et ce viol-là a basculé tout son avenir dans son rêve, c'est d'être en France. Voilà. À cause de cela, sa mère la rejette et puis sa vie a changé. C'est pas comme elle souhaitait. Ça va lancer à partir de ce soir, ici à l'Alliance Française de Diego. Donc c'est un peu triste l'histoire et à la fois c'est un peu marrant. Notre objectif c'est de montrer aux gens que nous les jeunes ici de Diego, on peut faire quelque chose de bien, de bonne qualité aussi. Dans le monde du cinéma, ce n'est pas encore très connu. Donc nous, à chaque fois qu'on produit un nouveau film, on fait la projection avec l'Alliance pour donner beaucoup plus de satisfaction avec les gens qui sont nos fans. La projection vidéo, c'est juste pour montrer aux gens comment est le film, pour les attirer, leur donner beaucoup plus d'envie d'acheter le CD. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire le déplacement ce soir ? Promouvoir un peu le cinéma malgache parce que c'est devenu un peu dévalorisé pour donner un petit coup de pouce aux réalisateurs malgaches. C'est juste parce que c'est vite à Malagasy. Mais c'est en direct ça ? Ouais, on est sur RFI en direct. Oh Ben, je viens juste pour savoir laquelle je t'ai défini, le nouveau film de l'acteur de Diego. Ben, ça valorise les artistes, les acteurs ici à Diego, surtout ici à Diego. Oui, mais cinéma malgache en ce moment, ça a monté, la qualité, tout ça, là, c'est pas comme avant. On n'a pas beaucoup de moyens, mais comme... On a envie de faire des choses au maximum, des choses bien, donc on a des sacrifices un peu. Mais au niveau des ventes, avant ça a été bien passé le film Alliance parce qu'il y avait la maison de cinéma comme ça. Mais maintenant, il n'y a que l'Alliance seulement, on peut faire en projection. Vous croyez que ça peut redémarrer le cinéma malgache ? Ben, c'est notre objectif, c'est ça notre objectif, mais ben, on verra bien. Voilà, donc ça dépend de l'État aussi, du ministère, tout ça, et public, voilà. Vous pouvez vous présenter ? Ben, c'est Bobo Film, metteur en scène aussi, réalisateur aussi, voilà. Ça commence là ou quoi ? Ah bah oui, ça va commencer. Hein. Acteur, actrice, diable. Je t'aime aussi. Merci à tous les amis. C'est des années à Bogotik après le jour de Ramadan. Et on a été en train de faire des années à Bogotik. Mademoiselle, on peut avoir vos impressions à la sortie du film, s'il vous plaît? C'était bien passé. C'était super bien. C'est tout? Oui. C'était pas mal. C'était pas mal comme la première fois ici à Diego. Le film, c'était super déjà. C'était bien tourné, les acteurs sont bien. C'est bien réalisé, je trouve. Ouais. C'est l'histoire qui est, je vais dire, qui peut exister. Et c'est aussi c'est peut-être histoire vraie, quoi. À partir de la logique qu'on voit, ce qu'on vit, ce qu'on voit à travers des amis, ce qu'on voit les gens à raconter, c'est des histoires que vraiment... Le film était vraiment super bien. Eh ben, ça m'a impressionné parce que ça parle vraiment des histoires réelles, quoi. Ils ont bien fait le film. Oh, c'était bien, c'était vraiment bien, bien, bien. C'était beau, c'était bien, on a bien aimé. On a hâte de voir la prochaine. Ben, c'est très intéressant et ça marque le premier film malgache et on verra la suite. Ben, les sons là, c'est vraiment bizarre. Hein. Je déteste les sons, c'est ça que je veux le dire. L'histoire, c'est super. C'est génial. Avec les messages, surtout comme le Dalila. Bon, son histoire, c'est vraiment triste. C'est une histoire qui est un peu forte et tendue au début, quoi. C'est vrai que c'est à la fois une comédie, mais un drame, parce qu'il y a des thématiques qui sont quand même assez fortes, même s'il y a d'autres thématiques qui sont très légères. Et moi, ce qui m'a un peu surpris, c'est la réaction du public, des fois, ou quand elle se fait violer, ou après, j'ai l'impression que les gens rigolent. Moi, j'espère que ça peut faire passer un message, que ce soit ça le principal. Est-ce que les gens vont réussir à en tirer quelque chose, ou est-ce qu'ils vont voir que le côté léger, ça, c'est pas encore gagné, quoi. Okay, merci. Au moins, on parle de la thématique, et c'est vrai que la thématique, c'est la culture du viol. Je pense que c'est une histoire qui est assez forte, qui peut arriver, quoi. Donc, avec pas mal de trucs, du tic du nord de Mada, le Jambi, le Vaza, la fille qui veut partir en France. Assez complet, quoi. Donc, mais c'est une belle histoire, quand même, qui est assez marrante. C'est à la fois un drame et puis une comédie en même temps. Donc. Oui, j'aime bien le film. Je suis la fille de Dalila. Bon, juste un petit mot sur la soirée. La soirée a été bien passée. Je suis satisfait parce que les gens ont beaucoup aimé le film. Donc, on attend la sortie officielle du CD à partir de la fin de journée de Ramadan. Vous écoutez toujours l'émission Diego Ça Bouge. Le DVD du film Dalila sera disponible ces prochains jours. Visitez la page de Walls Prod sur Facebook pour plus d'informations. Avant de partir à la découverte de cette énorme cascade cachée, mise en lumière par le guide de Mathieu Mercier sur l'extrême nord de Madagascar, nous vous proposons de découvrir une nouvelle fois un morceau de l'artiste diégolais Druna. Ce morceau s'appelle Vinang. Mama, la la chandu atani nitsakarano nilumongo ya la la vitambi nani nandeza fantsararaka tsararaka ni ala matiala nandeya mtani ntango mtswala dzwala Zambola mieni azukuru niro tenarano bola eku fipi kundovoro niti niti nimseka mtengi zatinga kuko zambola mieni. Voilà, donc on est arrivé au village de Sareng, c'est quelques minutes après les Tsingy rouges, et donc on garde la voiture sur le côté, on a demandé la route à une dame. Il y a beaucoup de touristes qui viennent ici, et c'est les gens qui habitent au village qui l'amènent jusqu'ici. On va longer une petite rivière, alors là on commence à être entouré de collines, on s'est un peu éloigné de la rivière, on marche dans un chemin de sable. Bon, au cas où vous auriez pas reconnu, on vient de croiser un troupeau d'oies. Ils nous ont pas attaqué, ça va. Le cadre qu'on va visiter maintenant, ça s'appelle la cascade Sarour. Alors là, on est devant une rivière qui a l'air quand même assez profonde. Alors ce matin, on a vu beaucoup de crocodiles. On espère que cette fois-ci, il n'y en a pas. Suivez le guide, là, il y a des cailloux. Attention. Voilà une petite traversée sympathique, on va essayer de prendre quelques photos. On a pu profiter d'un petit bain de boue. Donc la personne qui nous accompagne gentiment jusqu'à la cascade vient de nous informer, après qu'on ait traversé la rivière, qu'il y a effectivement des crocodiles dans cette rivière. Mais semble-t-il, ils sont gentils, ils ne mangent pas les vasas. Alors on a avec nous un spécialiste d'écologie et de botanique tropicale. D'ici là, ça a l'air de la petite savane dégradée. Hein. Ce qui est intéressant de voir, c'est que partout, il y a des résurgences d'eau. On se retrouve avec des pentes entières de montagnes qui ont des ressources partout et ça leur permet de cultiver du riz, même en pente. Après, il reste quand même quelques petits résidus de forêt d'avant, je suppose, avant la déforestation qu'il y a eu. Mais voilà, il y a encore une végétation épars qui arrive à se maintenir. Beaucoup d'indigo, beaucoup de jujubes. On va traverser ce bras de rivière une seconde fois. On y va pieds nus et on serre les fesses. Parce que maintenant, on sait qu'il y a des crocodiles. Tout à l'heure, on pouvait dire qu'on ne savait pas, mais maintenant, on sait. Ah, il y a plein de pierres là, c'est pas du tout sympathique. Donc on marche maintenant dans une boue et on a un paysage derrière nous qui est assez somptueux, avec une falaise type basaltique au-dessus de la rivière. C'est très très beau. Et là, il faut remettre les chaussures parce qu'il y a des trucs qui piquent. Ah, ça se mérite une cascade, ça se mérite. Alors là, on assiste à l'envol des espèces de cigognes. On pénètre dans la vallée. Devant, c'est un troupeau de zébus qui arrive. Alors là, devant nous, on a une dizaine de zébus qui sont gardés par trois gardiens de zébus. Donc voilà, mais on continue à marcher dans la boue, vous l'entendez. J'entends là-bas quelqu'un qui dit voilà, c'est vu. Déjà ? Ah oui. Effectivement, après environ une demi-heure de balade, on a un spectacle éblouissant. Quoi ? Ah oui, c'est beau. Hein. Effectivement, c'est pas une petite cascade. Moi, c'est la première de cette taille-là à Madagascar. C'est pas les chutes d'Iguazu, mais c'est pas mal. Alors là, je sais pas si vous entendez le bruit de la cascade. Alors c'est sûr qu'une cascade à la radio, c'est jamais aussi beau qu'en photo, mais toutefois on a un paysage qui en vaut le détour. C'est vraiment beau, hein, avec une grosse caverne derrière et tout, c'est waouh, impressionnant, splendide, magnifique, un bon gros débit. C'est impressionnant, c'est la première fois que j'ai vu le cascade comme ça, beaucoup de chutes d'eau et c'est bien. Malgré la marche qui n'était pas très facile. Est-ce qu'on peut se baigner? Oui, oui, on peut se baigner. Il y a combien de crocodiles? Bon, ben, on va vous laisser quelques instants afin de goûter à cette eau splendide. Voilà, c'est le son de la cascade. Un très très beau coin qu'on vient de découvrir. Donc la cascade fait environ une quinzaine de mètres de hauteur. Ça déborde sur une largeur d'environ une 10 à 15 mètres également. On a aussi évidemment un arbre sacré. C'est très très beau. Un bassin où on peut se baigner. On a là des gens qui sont en train de faire des prières, de remplir des bouteilles d'eau également. Alors tes impressions au sortir de l'eau ? La cascade était bien, l'eau est vraiment fraîche, donc ça va, ça m'a fait du bien. On a lutté pour venir, mais le résultat, il est là, il est vraiment beau. La baignade, elle est super. Le coin est vraiment magnifique. En plus, on peut se mettre derrière la cascade. On a une superbe vue sur le basalte et tout. Ça fait un peu la marche des géants, mais avec une énorme chute d'eau à côté. C'est vraiment magnifique et ça vaudrait vraiment, vraiment le coup de valoriser tout ça et de faire un petit chemin accessible pour tout le monde parce que je pense que tout le monde passe à côté, mais alors que personne ne devrait passer à côté. Beaucoup d'enthousiasme donc autour de cette cascade exceptionnelle à valoriser du côté de Sadjovat dans le village de Saharan. Pour ceux qui voudraient se lancer, nous proposons quelques informations sur notre page Facebook de l'émission Diego ça bouge. A tous les aventuriers, nous recommandons l'acquisition du magnifique guide pratique de l'extrême nord édité par Mathieu Mercier qui propose une quarantaine d'excursions et balades autour de Diego, dont cette magnifique cascade inédite. Mathieu était d'ailleurs l'invité de notre première émission, toujours disponible en ligne. Nous écoutons maintenant un morceau très sympa de l'artiste diégolais Primo Ndiaye qui nous invite à plonger dans l'ambiance du côté de la plage de Diego vers Ramen. Mila matanti secus l'alga mola fara tira crisi na voltus mora mora chofera golanano mola tsara no suruzu valera dego sora ziga zikara mora mora chofera fa mola itasga na montagna avio sevare el squa avan curikian yes man. Mila matanti la luz Manantu mulu maru mila madinko a vopus Casa me ki chofera Bolangano mola tzara Le camarada badamera Shedu du takobara Casa me ki chofera Fambola di cinza ka elinyan Avio si avare El skua ava bici kuang. Yes man. Voilà, merci Primo, grosse ambiance à Ramen chaque dimanche soir. Nous irons un de ces jours sans doute réaliser un petit reportage ensemble pour Diego Sabouge. Passons tout de suite au dessin avec l'illustrateur Moseration, cofondateur avec Nino du club BD de l'Alliance Française. Je m'appelle Oudono Ulrich Moser et mon nom d'artiste c'est Moseration. Je suis illustrateur professionnel et mon objectif principal c'est d'être l'image de la bande dessinée malgache. Avant qu'on ait formé un club, la BD était mal vue. La BD était juste un passe-temps en fait. Les gens pensaient qu'on ne pouvait pas gagner sa vie mais via la BD ou via les illustrations. Et qu'après, moi et mon collègue Nino à l'époque, on a montré une autre image et que maintenant ça commence à changer. Les gens commencent à voir la BD, toute la BD, l'illustration d'une autre manière. Les gens ils commencent à s'ouvrir parce qu'avant, les parents ils interdisaient les enfants à dessiner, ils interdisaient les enfants à venir dans notre club. Et maintenant, ils emmènent leurs enfants, ils leur donnent, ils nous les confient afin qu'on les forme et qu'on les fasse devenir professionnels. Le club il a commencé depuis à peu près 4 ans maintenant. Il est un peu instable en ce moment parce que on est souvent en déplacement pour nos expositions et souvent aussi occupé par les petits projets personnels qu'on fait. Le club, il est toujours là. On donne des cours aux gens qui veulent vraiment savoir dessiner. Le cours peut durer longtemps, 10 mois minimum. Ils sont gratuits, c'est-à-dire pour bénéficier de ces cours, il faut simplement être membre de la médiathèque de l'Alliance Française. Et voilà. Donc ça fait 3 ans que je gagne ma vie via ce truc. J'ai un contrat avec des ONG, c'est-à-dire qu'on a des, on gagne notre vie en faisant des contrats avec des ONG, c'est-à-dire des ONG ou bien d'autres entités. On est payé par prestation et donc du coup ben il faut se bouger le cul, chercher un peu partout. Chaque fois qu'un contrat est fini, chercher ailleurs. Même avant que le contrat soit fini, il faut déjà chercher ailleurs, proposer. Aujourd'hui donc tu dis tu souhaites devenir une référence en matière de BD malgache. Est-ce que tu as eu la possibilité de réaliser une bande dessinée à toi? Est-ce que c'est un projet? C'est un projet toujours en cours. Ça fait 3 ans que je travaille là-dessus. Je suis quelqu'un de... En fait, je suis un peu perfectionniste. Je ne les propose pas encore parce que moi, je ne les trouve pas encore satisfaisants. Ben, à Diego Suarez, il y a du niveau. Il y a du niveau. J'ai pas peur de le dire, mais ils sont pas reçus. C'est ce que je me tue à chaque fois dans le club. Je veux sauter les étapes, mais on saute pas les étapes dans le dessin. Il faut aller étape par étape. Avant même, moi, je sautais les étapes. Heureusement que je me suis rendu compte. Question peut-être, tu participes aujourd'hui à un atelier Kino. Est-ce que tu as des projets du côté de l'animation, du dessin animé, des jeux vidéo peut-être? Moi et mon frère, on fait déjà des animations. On a plusieurs animations à notre compte, mais c'est pour des ONG, donc du coup, c'est pas publié. Mais ouais, on aimerait bien prendre quelques cours sur les animations parce qu'on compte participer au concours de films courts prochainement. Comment se passe une journée classique, typique de Moseration? Réveil, dessin, manger, jeux vidéo, dessin, jeux vidéo. Je dors presque pas. Ça va me rattraper un de ces quatre, mais bon. Est-ce que tu peux nous dire un peu ton regard sur la vie artistique de Diego et la vie culturelle? Diego, ça bouge. Diego, ça bouge. Ça bouge beaucoup. Tout ce qui est culturel, ça dépend de là où tu es, en fait. Si tu es dessinateur comme moi, c'est à toi de faire bouger. Par contre, pour la musique, eux, ils assurent déjà, hein, pour la musique et pour les théâtres, pour autre que le dessin, eux, ils bougent déjà. Mais pour les autres qui font autre que de la musique et de la danse, c'est à vous de faire bouger, c'est à nous de les faire bouger, mais il ne faut pas attendre que ce soit les autres, soit les étrangers qui viennent pour nous secouer, mais c'est à nous déjà de faire quelque chose. Comme ça, les gens de l'extérieur, ils vont voir, ils vont peut-être venir ajouter quelque chose. Voilà. Mais pour moi, la ville, elle bouge déjà, mais il faut encore bouger un peu plus pour ceux qui font autre chose que les choses qu'ils font déjà bouger. J'aime cette ville. Ici, c'est bon, il n'y a pas beaucoup de gens. Y a, genre, comparé à d'autres villes, déjà ici, c'est propre. Il y a la plage, il y a des jolies filles. Il y a aussi des beaux garçons pour les filles qui sont éventuellement intéressées. Enfin, je trouve rien de négatif. Moi, j'aime cette ville, donc du coup, je ne peux dire que du positif parce que j'ai grandi ici, j'ai visité d'autres villes et pourtant, je suis toujours love de cette ville. Nous, ici, arrêtons d'être paresseux parce que le succès ne va pas venir comme ça, il ne va pas frapper à la porte comme ça, il faut bouger. C'est dans les films seulement que les succès, ils arrivent par la porte, après que tu n'aies rien fait. Il faut travailler, il faut toujours travailler pour réussir. Regardez pas les autres qui réussissent via quelqu'un, via l'argent des autres, mais réussir avec ses propres efforts, c'est, pour moi, c'est une consécration, c'est quelque chose que rien ne peut acheter. Diego Ça Bouge, magazine d'actualité culturelle en français à Diego et au nord de Madagascar. Diffusion à Diego à la radio Jupiter 90 FM, samedi 14h à 15h. Atana RFM, Radio France Madagascar 102 FM. Animation Zoul, page Facebook Diego Ça Bouge. Vous écoutez toujours l'émission Diego Ça Bouge. Merci à Moser pour ses messages à l'endroit de ses frères et sœurs de Diego, à qui il dit tout simplement « Bougez-vous ». Sans transition, direction le jardin tropical, où l'on découvre Holy Zion et son groove très particulier. Un spectacle exceptionnel qui a surpris et rencontré l'adhésion du public à l'occasion de cette tournée autoproduite dans le Grand Nord de Madagascar. Écoutez plutôt ce petit extrait enregistré en live, c'était vendredi dernier. Bienvenue dans la deuxième partie de Diego Ça Bouge, consacrée au reportage de Radio France Madagascar. Pour ce nouveau numéro de Diego Ça Bouge, l'équipe de Radio France Madagascar vous fait part des informations utiles au sujet des bourses scolaires françaises. Radio France Madagascar a reçu Jean-Daniel Chaoui, conseiller consulaire élu à Madagascar, qui va nous parler du système de bourses scolaires qui sont accordées aux familles françaises et francophones résidentes à Madagascar pour être scolarisées dans les établissements français. Pour Diego Suarez, ça concerne le collège français Sadi Caro, que vous connaissez sûrement déjà. Alors, Jean-Daniel Chaoui, vous êtes conseiller consulaire et représentant des Français résidant à Madagascar. Rappelons avant toute chose que les Français résidant dans la Grande Île sont invités à élire leurs représentants, c'est-à-dire 5 conseillers consulaires pour tout Madagascar, tous les 6 ans. La prochaine élection des conseillers consulaires aura lieu en 2020. Bonjour monsieur le conseiller et merci d'avoir répondu à l'invitation de RFM. Vous avez participé au conseil consulaire concernant les bourses scolaires qui s'est tenu au consulat général de Tananarive. Expliquez-nous d'abord ce qu'est un conseil consulaire. Un conseil consulaire, oui, bonjour aux auditeurs de RFM et merci de l'invitation. Donc il s'est tenu un conseil consulaire sur les bourses scolaires récemment le 10 avril. Alors un conseil consulaire, les conseils consulaires ont été créés par une loi de juillet 2013 qui a réformé la représentation des Français établis hors de France. Chaque conseil consulaire est composé donc à la fois de conseillers consulaires élus, il y a des membres de l'administration et des représentants de la communauté française en fonction de l'objet du conseil consulaire. Il est présidé par l'ambassadeur ou le consul général. Et donc il se tient des conseils consulaires sur différents sujets comme l'enseignement, les affaires sociales, la sécurité et en gros les activités du consulat général à Madagascar. Et par rapport au dernier conseil consulaire du 10 avril ? Alors le 10 avril, c'était un conseil consulaire concernant les bourses scolaires qui sont accordées par l'AEFE aux familles françaises sous condition de ressources. Parlez-nous alors du fonctionnement des bourses scolaires pour les familles françaises. Alors en France, l'enseignement public est gratuit pour tous les enfants français, bien sûr, et aussi les enfants étrangers qui se trouvent sur le territoire français. Il est gratuit de la maternelle au lycée, mais ce n'est pas du tout le cas à l'étranger, hors de France, car les écoles françaises sont payantes. Alors pour les familles françaises qui ont des revenus trop faibles pour s'acquitter des frais d'écolage, elles peuvent faire une demande de bourse scolaire. Et selon l'importance de leurs revenus, elles obtiennent une bourse qui est variable de 100% à moins de 100%. Les bourses peuvent prendre en charge à la fois les frais de scolarité, mais aussi les transports scolaires, la demi-pension, l'internat, c'est en pension complète. Il y a aussi une bourse pour le trousseau scolaire, le matériel scolaire. La demande est à faire auprès du service des bourses du consulat général de France à Tananarive, et ceux qui sont en province font la demande auprès des agences consulaires qui sont dans leur ville. Et quelle est l'importance du dispositif pour les familles françaises résidant à Madagascar ? Alors, il y a près de 2000 enfants français qui sont boursiers dans les écoles françaises de l'AEFE dans la Grande Île, ce qui représente un montant global qui approche les 5 millions d'euros. 90% des enfants boursiers ont une bourse à 100%. Donc, c'est une aide très importante du gouvernement français auprès de ses ressortissants. Certains dossiers sont ajournés, d'autres sont rejetés car ils sont incomplets en général ou alors ils ne sont pas suffisamment documentés, il manque des pièces, il manque des informations demandées et donc ils sont ajournés ou rejetés. Que deviennent ces dossiers non acceptés ? Alors il faut dire qu'il n'y en a pas énormément de dossiers non acceptés

à Fort-Dauphin, à Nosibé, à Ambange, à Manaka, à Mananchar. Il y a même une partie lycée à Fort-Dauphin. Et aussi, surtout sur Tananarive, il y a ce qu'on appelle les établissements homologués. Et ce sont des établissements qui sont associés et donc qui peuvent recevoir aussi des enfants français. Donc c'est un avantage certain pour les familles françaises résidant à Madagascar. Je veux ajouter que les établissements français n'accueillent pas seulement les enfants français, mais ils accueillent aussi beaucoup d'enfants malgaches ou d'autres nationalités. Par contre, évidemment, les bourses scolaires du gouvernement français sont réservées aux élèves français. Et ma toute dernière question, quelle est la réelle importance de la communauté française à Madagascar ? Actuellement, il y a environ 17 000 ressortissants français qui sont inscrits au consulat. Mais tout le monde n'est pas inscrit au consulat parce que ce n'est pas une démarche obligatoire. Donc on fait une estimation qu'il y a environ 20 000 Français résidant à Madagascar. C'est un chiffre qui est en diminution parce qu'on a perdu environ 3 000 Français inscrits au cours des 10 dernières années. Je pense que c'est suite un peu à la situation qu'a vécue Madagascar. Merci Monsieur le Conseiller pour toutes ces informations importantes pour tous nos auditeurs. Merci à vous. Vous venez donc d'écouter les explications de Jean-Daniel Chaoui, conseiller consulaire élu à Madagascar, sur le système des bourses scolaires qui sont accordées aux familles françaises. Une interview qu'il a accordée à Radio France Madagascar pour Diego Sabouge, toujours en coproduction avec Radio Jupiter à Diego Suarez. Quant à moi, je vous laisse en compagnie de Zoul. Nous nous retrouverons la prochaine fois pour le nouveau numéro de Diego Sabouge. C'était Soleil à la présentation. À bientôt. Merci Soleil pour ces précieuses informations recueillies auprès de Jean-Daniel Chaoui Atana, qui est également, ne le dites pas trop fort, le directeur de Radio France Madagascar. Il sera par ailleurs pour quelques jours de passage à Diego, cette première semaine de juin, à la rencontre des Français de Diego. Puisque nous arrivons à la fin de notre émission, signalons que le mois de mai était un mois particulièrement chargé et que nous n'avons pas pu malheureusement couvrir tous les événements. Le remarquable concert de Hadjaz, qui avait réuni un public des plus nombreux au Jardin Tropical, l'atelier de réalisation cinématographique Kino, animé par les animateurs des rencontres du film court de Tana, les projections de films ou encore l'inauguration de la Galerie Indigo, première galerie d'art à Diego, qui propose jusqu'à la fin du mois de juin une exposition-vente de 40 photos de Franco Océano sur le Morengue. Un mois de juin qui s'annonce particulièrement riche sur le plan musical, nous découvrons ensemble tout de suite le programme de l'Alliance Française en compagnie d'Olivia. Mais avant, restons du côté de Tana, où un groupe nous intéresse particulièrement. Dodol, dans un morceau percutant de soutien à l'équipe de football de Madagascar, les Barea, nous propose un morceau inédit. Nous attendons avec impatience le clip qui vient d'être tourné et qui fera sensation ces prochaines semaines sur vos écrans. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires ou questions sur la page Facebook de l'émission. On écoute tout de suite ce morceau exclusif et on vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission de Diego Sabouge. Allez-y, Paria! Tout le monde Alors l'Alliance française, au mois de juin, on vous prépare une programmation très musicale, un peu dans le cadre de la fête de la musique. Ça commencera donc le samedi 8 juin. À l'Alliance française, on organisera donc notre 3e édition de tremplin musical. Donc vous avez jusqu'au mercredi 5 juin pour venir vous inscrire à l'Alliance française. Vous pouvez vous présenter ou avec seul, avec votre instru ou avec des musiciens. La deuxième semaine de juin, on accueillera une production de l'Alliance française de Tamatave qui allie slam et musique et un peu de danse également. Et où on retrouvera donc Makwa et Gérardo, les slammeurs, sur scène avec 3 musiciens. Voilà, donc le concert aura lieu au Jardin Tropical le 14 juin à 20h. La troisième semaine de juin, à l'occasion donc de la fête de la musique, nous accueillerons donc Asti Musica, qui est comme un laboratoire de musique à l'image un peu du Music Lab, mais en beaucoup, beaucoup plus important. C'est un travail qui s'est allé sur 9 mois, qui réunit une vingtaine de musiciens pour revaloriser la musique traditionnelle du Grand Sud malgache. Voilà, donc ils seront 20 sur scène. Vous les retrouverez le vendredi 21 juin au Jardin Tropical et le samedi 22 juin à l'Université d'Antsiranana. Et enfin, la dernière semaine de juin, nous aurons le plaisir d'accueillir donc Anonymement Jeu, qui est un spectacle qui réunit danse, slam et cirque, avec donc Arivula à la danse, Kaila au slam et José et Vounieri au cirque. Voilà, donc il y aura pas mal d'ateliers aussi avec tous ces projets, tous ces artistes qui sont de passage, donc de Tamatave, Tuléar et Tana. Il y aura divers ateliers. Je vous invite à checker la page Facebook de l'Alliance française pour vous mettre un peu au courant de tout cela. À côté de notre programmation culturelle de l'Alliance, il y aura également le Culturebus qui se baladera donc dans 8 quartiers. Hein. Encore une fois, je vous invite à regarder les différents déplacements du Culturebus sur la page Facebook de l'Alliance. Donc à noter que ce mois-ci, nous célébrons le mois de l'enfance en association avec Cœur et Conscience. Donc on ira dans 5 quartiers en tout pour faire un peu de sensibilisation et diffuser un film qui a été produit par des enfants de l'association sur le mariage précoce. Voilà, donc je vous donne rendez-vous à l'Alliance, au jardin ou dans les quartiers tout près de chez vous. À bientôt. L'Alliance française, c'est au Costa-Rex. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, yeah, yeah. Je m'en ai dans la boîte à ta bamba. Mais dans la boîte à complet. Oh, yeah. Hop, hop.